Dans la famille trous noirs, il y a les trous noirs stellaires, fruits de l'effondrement d'une étoile massive. Il y a les trous noirs supermassifs au centre des galaxies que l'on a pu observer récemment. Il y a les trous noirs intermédiaires qui sont encore sujets de controverses. Et il y a les trous noirs primordiaux. Des trous noirs minuscules qui auraient été créés juste après le Big Bang et qui pourraient apporter des tas de réponses à des questions cosmologiques insolubles comme la matière noire par exemple, mais aussi les galaxies naines, l'abondance d'atomes lourds et même, pourquoi pas, l'existence d'un neuvième astre invisible dans notre système solaire, loin derrière Neptune. Trous noirs primordiaux, ils ont réponse à tout, c'est le programme obscur qui est le nôtre pour l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et pour évoquer la nature de ces objets, la probabilité de leur existence et l'ensemble des théories qui les entourent, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Vincent Vénin. Bonjour. Bonjour. Vous êtes chercheur en cosmologie primordiale au laboratoire Astroparticules et cosmologie de l'Université Paris 7. Et Sébastien Claes, bonjour. Bonjour. Vous êtes chargé de recherche FNRS à l'Université de Louvain et à celle de Lamure. Et on salue également le club de cosmologie du lycée Louis le Grand qui est avec nous aujourd'hui en direct du studio de l'Agora à la maison de la radio. Bienvenue à vous, bonjour les jeunes. Et avant de faire le grand saut au cœur des trous noirs, eh bien on fait d'abord, comme chaque jour, le tour de l'actualité scientifique du jour avec Natacha Triou pour le Journal des Sciences. Bonjour Natacha. Bonjour Nicolas. Et on commence ce journal avec la création d'un nouveau modèle informatique capable de manier parfaitement la langue française. Oui, cet algorithme s'appelle Camembert. C'est une intelligence artificielle qui est capable de caractériser dans un texte les noms propres, les verbes, les adverbes, les adjectifs, bref, de distinguer toute la grammaire et la syntaxe française avec un taux de réussite à 99%. Alors Camembert, c'est l'application pour le français de Baer, le modèle contextuel de langue le plus courant, issu des laboratoires Google en 2018. C'est une avancée incarnée. La plupart des modèles linguistiques sont créés à partir des données en anglais. L'Institut National de Recherche, dédié aux sciences du numérique, vient de publier gratuitement le programme et les détails de ses travaux sont à retrouver sur le site d'Archive. Laurent Romaris est directeur de recherche au sein de l'équipe Almanac du centre INRIA à Paris. Il a participé à l'élaboration de ce modèle en apprentissage profond. Pour pouvoir faire cet apprentissage, nous avons notamment réuni un énorme corpus de données issues du web, donc des gigas et des gigas de données de texte sur le français qui ont été nettoyés et sur lequel le modèle a été appris. Et le modèle, bon, ça s'appelle un modèle multicouche, c'est des couches de neurones artificiels, de neurones métaphoriquement, mais simulés mathématiquement, qui vont regarder pour chacun des mots les contextes à gauche, à droite, ce qui va les caractériser. Et avec ces modèles-là, ensuite, on peut récupérer des paramètres caractérisant ces mots et ensuite réinjecter ces paramètres dans des applications assez variées, en traitement des langues, en analyse de documents, en humanité numérique pour étudier par exemple des documents anciens. La grosse difficulté, c'est d'entraîner ces modèles. Donc il faut à la fois, comme je viens de le dire, des grandes quantités de données, il faut aussi de la puissance de calcul. On a utilisé les ressources de puissance de calcul de Facebook pour pouvoir faire cet entraînement. Les fameux paramètres que le modèle Camembert extrait sont ensuite réinjectés dans des tâches classiques en traitement des langues, par exemple la reconnaissance d'entités nommées. En gros, l'idée de Camembert, c'est que on va mettre ce modèle à disposition de la communauté scientifique. Donc, toute personne travaillant sur le français va pouvoir réutiliser nos activités, ces paramètres, et intégrer ça dans différentes tâches en fonction de la nature des documents, des textes, etc., sur lesquels ils veulent travailler. Voilà, vous pouvez retrouver le lien vers la prépublication sur le site Archive via notre fil Twitter @laméthodefc ou comme chaque jour sur la page de la méthode scientifique sur franceculture.fr. On passe au bref. Selon le dernier rapport de l'Agence internationale de l'énergie, les émissions de CO2 ne diminueront pas avant 2040. Et dans cette étude, les futurs niveaux de taux de CO2 ont été calculés selon trois scénarios. Même en respectant les objectifs actuels affichés, il n'y aura pas de baisse significative des émissions de gaz à effet de serre avant 2040. Selon leurs prévisions, il y aura certes plus d'énergie renouvelable, les capacités devraient doubler d'ici 2024, mais cela ne compensera jamais la consommation de charbon toujours en hausse. Le nombre de nouvelles usines à charbon augmente, et un facteur aggravant auquel il faut aussi ajouter la demande toujours plus forte en véhicules et en électricité. Un article paru hier dans Nature Astronomy le confirme, il y a bien de la vapeur d'eau à la surface de la Lune de Jupiter Europe. Le télescope spatial Hubble avait déjà observé des panaches à sa surface. L'équipe de la NASA a analysé la composition chimique de ces panaches grâce au spectrographe de l'observatoire Keck à Hawaï. Il s'agit bien de grandes quantités de molécules d'eau libérées lors d'éruptions. L'étude appuie l'hypothèse qu'il y aurait sous la couche glacée d'Europe un océan liquide. Pour la recherche d'une vie extraterrestre, Europe est une cible de premier plan. Dès 2023, la mission Europa Clipper de la NASA s'y intéressera de plus près. Et enfin, selon une étude parue dans Proceedings of the Royal Society, les grands singes vivants sont plus intelligents que les australopithèques. Et cette étude remet en cause une idée reçue. Nos ancêtres vieux de 3 millions d'années, comme Lucie, auraient été plus intelligents que les actuels grands singes parce que leur cerveau était plus gros. Une équipe internationale a mesuré, d'abord chez l'humain, le débit du flux sanguin vers la partie cognitive du cerveau en fonction de la morphologie du crâne et des artères d'apprivoisonnement en oxygène. Ils ont ensuite comparé 96 crânes de grands singes et 11 crânes de fossiles australopithèques. Les résultats montrent que le flux sanguin vers la partie cognitive du cerveau des grands singes est deux fois plus élevé que chez les hominines. Merci beaucoup Natacha, on vous retrouve demain pour le prochain Journal des Sciences. Ce sont des objets encore purement hypothétiques, mais des objets dont l'existence arrangerait une foule de cosmologues et d'astrophysiciens. L'intérêt pour les trous noirs primordiaux, de minuscules trous noirs d'une taille microscopique et d'une masse variant entre quelques milliers et quelques millions de kilos, a été relancé fin septembre lorsqu'une équipe américaine a postulé que la mystérieuse planète X, une neuvième planète qui orbiterait très loin de Neptune et qui expliquerait la modification de la trajectoire d'un certain nombre d'objets transneptuniens, eh bien cette mystérieuse planète pourrait être non pas une planète, mais un de ces micro-trous noirs. Des trous noirs dont l'existence commence à être mentionnée au début des années 70, en même temps que les trous noirs supermassifs, comme en atteste notre archive du jour, extrait de La Science en Marche. Nous sommes le 7 novembre 1973. Il y a deux cas de trous noirs non associés à des étoiles qui ont été envisagés. Il y a les macro-trous noirs, inventés par Lyndon Bell et Martin Rees de l'observatoire de Cambridge en Angleterre, il y a 3 ans. Ces macro-trous noirs auraient des masses très supérieures à celles de la plus grosse des étoiles, de l'ordre de grandeur des petites galaxies. C'est ça, après les étoiles, c'est les galaxies. Ce serait alors des galaxies qui seraient effondrées sur elles-mêmes. Enfin, oui, on ne peut pas le garantir. Ils seraient situés au centre des quasars et des galaxies. À l'opposé, il y aurait des micro-trous noirs imaginés par Stephen Hawking de Cambridge, toujours en 71, et qui appartiendraient au monde des particules élémentaires. Au fond, on pourrait parler là de quanta de trous noirs. Alors voilà, les macro-trous noirs d'un côté, les micro-trous noirs de l'autre. D'un côté, eh bien, les trous noirs supermassifs, on les a observés. Il y a même eu une image dont on a beaucoup parlé ici. Les micro-trous noirs, en revanche, ça reste une hypothèse. Oui, tout à fait. Alors, votre archive est très plaisante à écouter. C'est aussi amusant de voir les termes dans lesquels la recherche qui était naissante à cette époque-là sur les trous noirs, ce qu'on appelle non-astrophysique aujourd'hui, c'est-à-dire qui ne résulte pas de l'effondrement d'une étoile à la fin de sa vie. C'était une recherche qui démarrait à peine, donc peut-être les termes étaient un peu encore eux-mêmes à définir. Mais c'est vrai que depuis, on a envisagé effectivement qu'il puisse exister des trous noirs dont les masses ne correspondent pas à ce qu'on attend de voir à la fin de la vie d'une étoile. Donc soit des trous noirs de masse beaucoup plus importante, c'est ce qu'on appelle les trous noirs supermassifs, qui ne peuvent pas s'expliquer par l'effondrement d'une étoile en sa fin de vie, même si on imagine que le trou noir qu'elle formerait continue à grossir en accrétant de la matière ou en fusionnant avec d'autres trous noirs. Ça permet de monter en masse, mais pas d'atteindre les masses énormes que les trous noirs supermassifs ont. Ou alors, à l'autre extrême du spectre, des trous noirs très légers, avec des masses bien inférieures à celles d'une étoile typique, même des masses qu'on peut envisager aussi petites que l'on veut, un kilo, un gramme, qui ne peuvent pas non plus avoir d'origine astrophysique et qui auraient une origine primordiale. Sébastien Claes, une réaction à cette archive, à ce que vous venez d'entendre ? Alors en effet, donc on a cette différence entre ces trous noirs supermassifs qui ont vraiment été observés, et donc aujourd'hui, la difficulté c'est de savoir d'où est-ce qu'ils viennent, et donc ici, l'idée qu'ils pourraient être nés à une fraction de milliseconde après le Big Bang dans l'univers primordial est une hypothèse possible. Et d'autre part, ces trous noirs légers, je dirais, qui, eux, restent une hypothèse, donc on n'a pas d'observation qui tente à montrer que ces trous noirs vraiment existent. Et entre les deux, moi je dirais qu'il y a aussi ces trous noirs de masse stellaire, où là aussi, certes, une étoile peut provoquer un trou noir de masse stellaire, mais les observations sont, par exemple, les observations d'ondes gravitationnelles provenant de la fusion de trous noirs, montrent des propriétés étranges qui pourraient tenter à supporter l'idée que ces trous noirs également pourraient avoir une origine primordiale. Alors, on l'a dit, hein, les macro-trous noirs, donc des trous noirs supermassifs, ils ont été confirmés, ils ont été observés. On peut vous remettre d'ailleurs sur le fil Twitter de l'émission que nous avions consacrée à cette fameuse première image d'un trou noir qui avait beaucoup fait parler, qui avait énormément été commenté. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, on a le sentiment que ces trous noirs primordiaux suscitent beaucoup d'intérêt depuis quelques années, ou en tout cas un peu plus, qu'on recommence à les considérer de manière finalement un peu plus sérieuse qu'avant, c'était une hypothèse voilà, très flou, un peu lointaine, et qu'aujourd'hui, ça retrouve un intérêt astrophysique certain, Vincent. Alors, en fait, je pense qu'il y a la combinaison de plusieurs raisons. La première, c'est que pendant très longtemps, les trous noirs primordiaux étaient des objets exotiques à deux titres. La première, c'est qu'on n'avait jamais observé de trou noir, pour commencer. Donc, le trou noir était un objet exotique. Et deuxièmement, de là à imaginer qu'il puisse exister des trous noirs qui, en plus, seraient primordiaux, ça faisait peut-être un peu beaucoup à avaler pour une partie de la communauté. Mais maintenant, la première raison ne s'applique plus, puisqu'on a observé des trous noirs et que on a un certain nombre de faisceaux d'indications en cosmologie et en astrophysique. Sébastien en a mentionné certaines, mais qui tentent à pointer du doigt les trous noirs primordiaux comme étant une explication possible à un certain nombre de questions qu'on se pose. Donc, l'existence de trous noirs supermassifs en est une. Il y a d'autres petites tensions, petites choses qu'on comprend pas exactement de façon parfaite en cosmologie pour lesquelles les trous noirs primordiaux apporteraient une réponse. Donc, je dirais, c'est un peu la combinaison de ces deux choses. C'est que sur le plan théorique, on se rend compte qu'ils fournissent des explications possibles à un certain nombre de problèmes. Et sur le plan observationnel, ça n'est plus des objets exotiques qu'on pense ne jamais pouvoir observer puisqu'on observe des trous noirs. Donc, peut-être a-t-on même déjà observé des trous noirs primordiaux. On ne sait pas. On ne connaît pas leur origine. Sébastien Claes, sur l'intérêt renouvelé pour ces, en tout cas, sur le regain de sérieux, en tout cas, de la façon d'envisager ces trous noirs primordiaux. Alors en effet, donc, dans les années 90, les trous noirs primordiaux étaient en fait à la mode comme candidats à la matière noire, au mystère de la matière noire. Donc la matière noire, c'est 85% de la densité de l'univers, de la matière dans l'univers aujourd'hui, à peu près 27% de la densité de l'univers. Et dans les années 90, c'était vraiment une hypothèse à la mode, et plusieurs campagnes d'observation ont essayé d'éliminer cette hypothèse. En même temps, je dirais qu'au début des années 2000, on a commencé à s'intéresser davantage pour des modèles plus liés à la physique des particules, donc l'existence peut-être d'une nouvelle particule qui pourrait expliquer la matière noire. On a construit le grand collisionneur de Hadron au CERN pour pouvoir tester cette hypothèse, d'autres expériences. Et disons que le regain d'intérêt pour les trous noirs primordiaux nous vient d'une part des résultats négatifs de ces expériences de recherche d'une nouvelle particule, et d'autre part, des résultats, alors des observations plutôt positives, des ondes gravitationnelles, par exemple, en septembre 2015, et l'hypothèse qui a été proposée quelques mois plus tard, que ces trous noirs observés auraient pu avoir une origine primordiale, et les taux de fusion observés par l'expérience LIGO et Virgo pourraient expliquer que ces trous noirs, s'ils ont une origine primordiale, sont en abondance comparables avec celle de la matière noire. France Culture, la méthode scientifique, Nicolas Martin. Depuis 16h15 sur France Culture, nous parlons donc des trous noirs primordiaux en compagnie de Vincent Vénin et de Sébastien Claes et d'une partie du club de cosmologie du lycée Louis le Grand qui est ici avec nous dans le studio de l'Agora de Radio France, de la Maison de la Radio. Alors, peut-être qu'on peut refaire un point d'étape ou en tout cas un petit reminder, un petit rafraîchissement de mémoire, Vincent Vénin. On en parle, on dit trous noirs astrophysiques, supermassifs primordiaux. C'est quoi le point commun finalement de tous ces objets, outre le fait qu'ils s'appellent trous noirs? Alors, le grand point commun, c'est que ce sont des trous noirs, mais la grande différence, c'est l'époque à laquelle ils se forment et donc les propriétés qu'ils ont. Donc, un trou noir astrophysique, c'est une étoile en fin de vie. Quand elle a brûlé tout son matériau radioactif, il n'y a plus rien qui l'empêche de s'effondrer sur elle-même. Donc, elle s'effondre et si sa masse est suffisamment importante, elle forme un trou noir. Donc là, vous voyez, déjà une première condition, si sa masse est suffisamment importante, et en effet, si sa masse est plus petite qu'une limite autour de 1,4 fois la masse du Soleil, elle ne peut pas former de trou noir, donc il n'existe pas de trou noir astrophysique de masse inférieure à 1,4 masse solaire. Il y a des contraintes sur la masse. Un trou noir primordial, c'est un objet qui se forme bien plus tôt dans l'histoire de l'univers, à une époque où il n'y a pas encore d'étoiles, vraiment dans le plasma primordial, dans le fluide qui constitue l'univers à ce moment-là, où des perturbations quantiques sont produites et amplifiées. Ces perturbations-là, ce sont celles qui donnent naissance aux grandes structures de l'univers, aux galaxies, à tout ce qu'on observe. Mais lorsque ces fluctuations sont très grandes, alors c'est rare mais elles peuvent être suffisamment grandes, elles peuvent s'effondrer en trous noirs. Et à ce moment-là, la masse du trou noir qui résulte n'est pas contrainte. En fait, ça peut valoir un peu tout ce qu'on veut. Donc, ça peut être aussi petit que 1 gramme, mettons, si le trou noir se forme juste après l'inflation. Mais il y a une relation après linéaire entre la masse du trou noir et le temps qui s'est écoulé depuis le Big Bang au moment où il se forme. Donc, un trou noir qui se forme à la fin de l'inflation, il pèse à peu près 1 gramme. Un trou noir qui se forme quand l'univers a une seconde, il pèse déjà à peu près 100 000 fois la masse du Soleil. Donc vous voyez, en une seconde, on prend beaucoup d'ordre de grandeur dans la tête. Et donc ça explique qu'on puisse couvrir comme ça un peu toutes les masses. Peut-être rappeler que l'inflation, on est au niveau du mur de Planck, donc on est très très très très très très tôt oui. Au niveau du Big Bang. Oui, voilà. Alors, c'est une phase d'expansion accélérée qui a eu dans l'univers très très jeune, qui est en amont de ce qu'on appelle le modèle du Big Bang, donc ce qui se produit après, et qui en effet a des instants extrêmement extrêmement proches du Big Bang. Alors, on va vous remettre, on avait consacré une émission entière à cette question de l'inflation, qui est un phénomène effectivement astrophysique assez passionnant. On va vous mettre là aussi le lien de l'émission. Peut-être comment est-ce qu'on peut les définir finalement? Parce que entre un trou noir qui se produit juste au tout début de l'inflation qui ferait 1 gramme et un trou noir qui fait 100 millions de fois la masse du Soleil, est-ce qu'on parle encore de micro-trous noirs? Quelle est l'échelle de taille, de masse dont on parle pour ces objets? Sébastien Claes. Alors en effet, donc on ne va plus parler de micro-trous noirs lorsqu'on a des masses qui sont comparables à celles de planètes, d'étoiles, ou même des masses qui sont à la limite comparables à celles de galaxies. Donc, leur masse est vraiment différente, et donc c'est vrai que c'est une caractéristique des trous noirs primordiaux. Donc les modèles de trous noirs primordiaux ne sont pas restreints. Donc les modèles d'inflation, par exemple, ne nous disent pas « Ah, mais tiens, je peux vraiment avoir que telle masse pour les trous noirs ». Par contre, ce qui est intéressant, je pense, c'est de pouvoir étudier cette distribution de masse de trous noirs primordiaux. Et par exemple, un élément très intéressant, c'est que donc, si on se place dans cet univers primordial, dans lequel il y aurait eu ces grumeaux qui proviennent de l'inflation, et donc on peut imaginer, si on veut que nos trous noirs primordiaux forment la matière noire, que ces grumeaux sont espacés de peut-être des dizaines de milliers de kilomètres, et que chaque grumeau fait à peu près 10 kilomètres. Eh bien, ce qui est assez intéressant, c'est que la physique des particules nous dit qu'il y a une phase, une période dans l'histoire très, très primordiale de l'univers, pendant laquelle il a été un peu plus facile de former des trous noirs primordiaux, et ça devrait être visible dans leur distribution de masse. Et ça aurait dû se passer lorsque les protons et les neutrons se sont formés dans l'univers primordial, et les trous noirs qui se seraient formés à ce moment-là ont une masse d'environ 2 masses solaires. Et donc c'est assez proche de 30 masses solaires, donc on peut imaginer une distribution de masse, 30 masses solaires, ce sont les trous noirs observés par LIGO et Virgo. Et donc les observateurs d'ondes gravitationnelles. Exactement. Et donc On peut imaginer que l'expérience qui est plus sensible à ces trous noirs un peu plus massifs les ait détectés en premier. Et un moyen peut-être de tester l'hypothèse des trous noirs primordiaux, ce serait de voir si on va également observer beaucoup de trous noirs, de fusions de trous noirs, qui auraient une masse autour de deux masses solaires. Alors là, les modèles astrophysiques ne prévoient pas vraiment d'avoir des trous noirs de ces masses-là. On s'attend plutôt à avoir des étoiles à neutrons. Et alors la grande question, ce sera de dire, tiens, on observe une fusion, mais on ne sait pas faire la distinction avec les ondes gravitationnelles, par exemple, entre une fusion d'étoiles à neutrons et une fusion de trous noirs. Par contre, avec d'autres moyens, des observations électromagnétiques, là, on va être capable de dire, ah, ça, c'était une fusion d'étoiles à neutrons, parce que juste après, une fraction de seconde après, ou quelques secondes après, on détecte un flash en rayon gamma, etc., dans différentes longueurs d'onde. Et si on n'observe pas ces contreparties électromagnétiques, mais alors là, on aura peut-être l'indication que, en effet, nous avons notre pic dans la distribution des trous noirs qui nous vient de la physique des particules et qui nous vient du fait que, naturellement, on s'attend à avoir plus de trous noirs primordiaux produits autour de deux masses solaires. Si je résume, et je parle sous votre contrôle à l'un et à l'autre, hein, c'est-à-dire on est donc dans les tout premiers instants de l'univers, il y a ces espèces de grumeaux, de condensation, de densité qui d'un seul coup font des mini-effondrements en quelque sorte, Vincent Vénin, c'est voilà, ça ? C'est exactement ça en fait, c'est surdensité locale qui, lorsqu'elles sont de taille modérée, évoluent sous l'influence des forces de gravitation et s'effondrent pour former des structures. Lorsqu'elles ont une amplitude qui est beaucoup plus forte, elles peuvent directement former un trou noir. C'est ça l'idée. Pardon. Et du coup, c'est pendant cette période extrêmement courte, tous ces trous noirs qui sont primordiaux, ils vont. Quels sont les indices qu'on a qui pourraient nous dire qu'ils se sont répartis ou en tout cas qu'ils se retrouvent à peu près partout, distribués d'une certaine façon dans l'univers que l'on peut observer aujourd'hui, Vincent Lénin. Alors, la distribution dans l'espace des trous noirs primordiaux, c'est une question qui est compliquée en général. Mais disons que de ce qu'on comprend de la phase d'inflation, on imagine un univers qui est initialement homogène, donc que l'inflation a rendu homogène, donc il est initialement identique en tout point. Et dans cet univers se surajoutent des fluctuations quantiques qui ont des propriétés statistiques qui, elles aussi, sont homogènes. C'est-à-dire on ne produit pas plus de perturbations à un endroit qu'à un autre en moyenne. Donc on imagine que ces trous noirs, lorsqu'ils se forment, se répartissent à peu près également dans toutes les régions de l'espace. Mais une fois qu'ils sont formés, bien sûr, ils interagissent entre eux et avec le reste du milieu. Et là, il va se passer des choses parce que sous les forces de gravitation, ils vont pouvoir éventuellement se regrouper, migrer, attirer la matière à eux. Et là, la distribution évolue. Alors, je vais poser une question qui peut paraître une question de Béotien, mais qui, à mon avis, appelle une réponse plus complexe que la question ne peut le laisser supposer. Évidemment, on sait que c'est très compliqué d'observer un trou noir. Néanmoins, avant d'observer le trou noir supermassif dont on vous a remis l'image, on avait plein de moyens de détecter l'existence des trous noirs, donc on savait les détecter même si on n'arrivait pas à les observer directement. Comment se fait-il aujourd'hui, Sébastien Claes, qu'on ne puisse pas détecter ces trous noirs primordiaux, qu'on n'ait pas en tout cas réussi à les détecter, ou alors qu'on les ait détectés mais qu'on ne se soit pas rendu compte que c'était des trous noirs primordiaux? Alors, si ces trous noirs se sont formés dans l'univers primordial, alors on s'attend à ce que leur évolution soit plus ou moins la même que celle, finalement, de n'importe quel candidat de matière noire. Parce que, finalement, un trou noir de 1 km ou une toute petite particule, sur des échelles de l'univers, il n'y a pas vraiment de différence. Et donc, on s'attend à retrouver ces trous noirs primordiaux dans le halo des galaxies, là où il n'y a pas d'étoiles. Et donc, c'est extrêmement difficile de détecter leur présence. Parce qu'on ne détecte pas, par exemple, un trou noir qui serait un trou noir primordial, qui serait compagnon d'une étoile et qui accréterait une partie de la masse de l'étoile qui était le moyen, jusqu'à présent, avant les ondes gravitationnelles, de détecter les trous noirs. Et donc, on détectait des trous noirs plutôt, là où il y avait des étoiles et où, là, éventuellement, une étoile binaire avait pu mener à un compagnon qui est un trou noir et l'autre étoile est encore existante et où la masse est attirée par ces trous noirs et émet des radiations d'énergie très importante. Le fameux disque d'accrétion. Exactement. Pour les trous noirs primordiaux, on s'attend à avoir moins de disques d'accrétion, même si on peut se servir de cet effet physique pour fixer des limites sur l'abondance de trous noirs primordiaux dans l'univers, et en particulier l'abondance de trous noirs massifs, qui seraient plus massifs qu'environ 1000 masses solaires. Et donc ça, on sait qu'au-delà de 1000 masses solaires, c'est très difficile, c'est irréaliste de penser que la matière noire serait composée de trous noirs de cette taille. Mmh. Par contre, en dessous de ces masses, alors là, ça peut être possible. On reviendra sur les indices qui peuvent lier justement matière noire et trous noirs primordiaux. Peut-être continuer encore un peu à décrire ces trous noirs. Et quelque chose, peut-être un élément important, à moins que vous vouliez répondre, Vincent Venin, à cette question de cette raison pour laquelle finalement on n'a pas de détection pour le moment. Pourquoi est-ce que c'est très compliqué de l'envisager? Pourquoi il faut arriver dans des finesses technologiques qui ne sont peut-être pas encore tout à fait à notre disposition? Oui, juste un autre élément très rapidement. En fait, il peut y avoir deux manières de répondre à cette question. La première, c'est prenons un trou noir individuel, un seul, et prouvons qu'il est d'origine primordiale. Alors là, c'est impossible, sauf si sa masse est plus petite que 1,4 fois la masse du Soleil, c'est-à-dire s'il est tout petit. Le problème, c'est que les trous noirs petits sont plus difficiles à détecter, et que pour l'instant, on n'a pas les instruments qui permettent de voir ces trous noirs-là. Voilà. Une deuxième pourquoi 1,4? Parce que c'est la masse de Chandrasekhar, celle au-delà de laquelle, normalement, une étoile ne peut plus s'effondrer en trous noirs. Exactement, voilà. Notre Soleil ne fera pas de trous noirs, par exemple, on le sait. Le Soleil ne peut pas faire de trous noirs. Le nôtre. Mais par contre, alors après, il y a une deuxième question qui est, étant donné une population de trous noirs, donc là, on en prend plein, on en observe plein, est-ce que cette population est plutôt d'origine primordiale pardon, ou plutôt d'origine astrophysique? Et là, ça peut être dans un sens plus facile parce que dans les... Alors, bien sûr, ça dépend des modèles et de notre compréhension de la physique, mais on a des manières de calculer et de prédire les propriétés de ces populations. Comment leur masse se distribue, comment leur spin, c'est-à-dire la vitesse de rotation sur eux-mêmes, se distribue également. Et donc là, il peut y avoir des manières de faire, même avec des trous noirs de masse, stellaire, de masse compatible avec les trous noirs astrophysiques, on pourrait distinguer une composante primordiale. Alors, il y a un élément qu'il faut évoquer, qui est important, parce que ça va être important pour la suite, pour ces trous noirs primordiaux, c'est la question de l'évaporation dite de Hawking, selon nommé après Stephen Hawking, parce que, peut-être je vais vous le laisser, qui veut s'y coller Vincent Venin, parce que ce qui est intéressant dans cette évaporation, vous allez le faire à deux voix, vous allez le faire en canon. Expliquez-nous un peu ce que c'est que cette évaporation de Hawking. En deux mots, donc c'est un mécanisme qui a été théorisé par Hawking et qui, repose sur le fait qu'un trou noir est un objet extrême. Je sais que vous avez vu plusieurs émissions sur le trou noir ici dans la méthode scientifique, qui courbe l'espace-temps de façon très importante et qui crée ce qu'on appelle un horizon. Et au voisinage de l'horizon, ce qui se passe, c'est que de façon spontanée, des particules et des antiparticules sont créées. Ça, c'est un mécanisme quantique usuel qui se produit partout et en permanence. Quantique, ouais. Voilà. Sauf que lorsque dans cette pièce, des particules et des antiparticules sont créées, elles se rencontrent immédiatement, elles s'annihilent et elles n'en font rien et on ne voit rien. Au voisinage d'un trou noir, la différence, c'est que quand une particule et une antiparticule sont créées, il est possible qu'une de ces particules aille vers l'intérieur du trou noir. En fait, le champ de gravité est tellement fort qu'il peut en tirer une vers lui et l'autre part vers l'extérieur. Et là, elles n'ont même pas le temps de se re-rencontrer, elles ont été séparées. Et donc, pour un observateur qui se situerait loin du trou noir, lui, ce qu'il voit, c'est des particules qui lui arrivent. Donc, le trou noir émet de la radiation, qu'on appelle la radiation de Hawking, un rayonnement. Et donc, puisqu'il émet des particules, il perd de la masse. Il perd aussi du spin, de la vitesse de rotation, et donc la masse du trou noir diminue progressivement au cours du temps. Alors pour des trous noirs très lourds, cet effet est tout petit, mais pour des trous noirs légers, cet effet est très grand. Donc au bout d'un moment, le trou noir va entièrement s'évaporer, on appelle ça l'évaporation de Hawking, et le temps d'évaporation, il croit à peu près comme le cube de la masse. Donc la masse à la puissance 3. Donc les trous noirs tout petits vivent très très peu longtemps. Les trous noirs qui ont une masse inférieure à 10 puissance 11 kilos se sont tous évaporés aujourd'hui. Donc on peut pas... Mais les trous noirs plus gros ne se sont à peine évaporés. Oui, parce qu'il faut mettre ça évidemment à l'échelle de l'âge de l'univers, Sébastien Claes. Évidemment, comme on est sur une échelle de 14 milliards d'années, des trous noirs qu'on dit tout petits mais qui sont énormes à notre échelle humaine mais qui sont tout petits à l'échelle cosmologique, eux se sont évaporés. Alors oui, je pense pas que 10 puissance 11 kilos, ce soit pas, pour l'échelle humaine, ça correspond à la masse d'une montagne. Voilà. Et donc, eux, en effet, se sont évaporés en un temps plus court que l'âge de l'univers. Et donc, les seuls trous noirs primordiaux qui peuvent rester aujourd'hui dans l'univers, ce sont des trous noirs de masse supérieure. Bon, 10 puissance 11 kilos, c'est la masse d'une montagne, mais c'est la masse de montagne mise dans un volume plus petit que la taille d'un atome. Hein. Et c'est pour ça que l'on parle de trou noir, c'est pour ça que la densité est si grande que le trou noir peut courber l'espace-temps et amener cet effet. il se passe quelque chose aussi d'important, et on, pour la deuxième partie de notre conversation, ce sera important de le mentionner maintenant, c'est que à la fin de l'évaporation, ça ne fait pas rien, il se passe quelque chose à la fin de l'évaporation, Sébastien Claes. Alors on ne sait pas exactement. Alors, selon Hawking, il se passe quelque chose en tout cas. Donc, donc c'est vraiment un grand débat aussi, et c'est un candidat aussi possible à la matière noire en fait. Donc si ce sont des trous noirs très légers qui ont été produits, par exemple à la fin de la phase d'inflation, eh bien ils ont pu s'évaporer. Et la question c'est vraiment qu'est-ce qui reste après cette évaporation. Il y a une théorie qui suggère que il peut rester des reliques de Planck. Et ces reliques de Planck, qu'est-ce que c'est? On ne sait pas exactement ce que c'est. C'est quelque chose. Mais disons que ce serait le résidu du trou noir qui aurait une masse de 10 exposant moins 8 kilos, donc à peu près la masse de Planck, et qui, elle, ne s'évaporerait pas à cause d'effets peut-être encore inconnus ou d'effets quantiques, d'effets de gravité quantique peut-être. Une sorte de cadavre de trou noir en quelque sorte. Exactement. Ouais. Et ces cadavres pourraient aussi errer dans l'univers et être totalement indétectables. Ce qu'il faut dire, c'est que 10 puissance moins 8 par rapport à la masse d'une particule, c'est énorme, 10 puissance moins 8. C'est très lourd, en fait. Ça reste très lourd, mais la taille de ces objets serait absolument immesurable. Un mot peut-être sur cet effet d'explosion aussi de Hawking, d'explosion du trou noir qui pourrait être derrière une éventuelle méthode d'identification. Oui, alors il y a des expériences qui ont essayé d'exploiter ça. C'est l'idée que à la fin de la vie d'un trou noir, il y a un flash qu'on appelle un flash gamma. Donc il y a même l'hypothèse que des objets astrophysiques qu'on appelle les sursauts gamma étaient en fait liés à des trous noirs en fin de vie qui, dans les derniers instants, émettaient un dernier sursaut d'ondes électromagnétiques. Mais en réalité, on ne sait pas bien ce qui se passe. La raison, c'est qu'en fait, l'évaporation de Hawking pour un très gros trou noir. En fait, on décrit la géométrie de l'espace-temps en relativité générale, donc de façon classique, c'est-à-dire sans induire les effets quantiques, et après on rajoute dessus des particules quantiques. Et ça se passe bien. Mais quand la masse d'un trou noir décroît et atteint la masse de Planck, en fait, ce calcul-là n'est plus valable. On n'a plus le droit de faire ça et on rentre dans un domaine qu'on appelle celui de la gravité quantique. Et on n'a pas de théorie de gravité quantique aujourd'hui. Donc on peut que faire des hypothèses et des spéculations. Et c'est vrai que il semble raisonnable dans un certain nombre de théories de penser que en fait l'évaporation s'arrête avant la fin, elle s'arrête quand la masse du trou noir atteint la masse de Planck et là il se passe plus rien, ça fait comme vous avez dit un cadavre, une relique planckienne et mais on sait pas en réalité, on sait pas. Oh. Am I indisposed, in disguises no one knows, as the face lies the snake, and the sun in my disgrace, boiling heat, summer stench, neath the black the sky looks dead, call my name through the cream, and I'll hear you scream again. Black hole sun, won't you come wash away the rain. Black hole sun, won't you come, won't you come, won't you come. Stuttering, cold and damp, steal the warm wind, tired friend, times are gone for all I spent, sometimes far too long for snakes. In my shoes, walking sleep, in my youth I pray to keep heaven and hell away. No one sings like you anymore. Black hole sun, won't you come wash away the rain. Black hole sun, won't you come, won't you come. Black hole sun, won't you come wash away the rain. Black hole sun, won't you come, won't you come, black hole. Black Hole Sun de Chris Cornell sur France Culture à 16h35, puisqu'il est question de trous noirs tout au long de cette heure, et plus précisément des trous noirs primordiaux, ceux qui sont nés quelques micro-instants après le Big Bang. Nous en parlons avec Vincent Vénin, qui est chercheur en cosmologie primordiale au laboratoire Astroparticules et Cosmologie de l'Université Paris 7, et avec Sébastien Claes, qui est chargé de recherche FNRS à l'Université de Louvain, SL de Namur, sans oublier évidemment le club de cosmologie du lycée Louis le Grand, à qui on donnera la parole dans quelques instants, qui est bien calme pour le moment, mais je pense qu'ils sont concentrés pour trouver des questions extrêmement précises, un peu vicieuses à poser à nos invités tout à l'heure. On leur fait confiance pour ça. On va remonter les manches un peu plus et s'attaquer donc à l'hypothèse qui concerne l'une des principales hypothèses qui concerne les trous noirs primordiaux. On en parlait tout à l'heure. Et si c'était eux, finalement, la matière noire de l'univers, cette masse manquante nécessaire pour comprendre bien un peu plein de choses, les phénomènes gravitationnels, le modèle standard de la cosmologie. Souvent, ce sont dans les vieux pots qu'on fait les meilleures confitures. Bonjour Antoine Bouchon. Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Non, évidemment, ce n'est pas vous. Bonjour à nos jeunes amis qui nous rendent visite, ça fait un peu. Évidemment, ce n'est pas vous le vieux pot, quoique, mais non, la sonde Voyager, lancée en 1977, qui a envoyé des données qui pourraient finalement permettre de comprendre s'il y a un lien entre les trous noirs primordiaux et la matière noire. Et c'est pour comprendre tout ça, je suis allé rencontrer Marco Cirelli, qui est chercheur CNRS au laboratoire de physique théorique et hautes énergies à Sorbonne Université. Avec Mathieu Boudot, ils ont eu l'idée d'utiliser les relevés de particules réalisés par la sonde Voyager 1 pour mettre à l'épreuve l'idée selon laquelle les trous noirs primordiaux seraient de bons candidats pour résoudre l'énigme de la matière noire. Résultat, les trous noirs primordiaux d'une masse inférieure à 10 puissance 16 grammes ne constituent la matière noire de notre galaxie qu'à hauteur de 0,1%. Marco Cirelli nous explique donc comment ils sont parvenus à ce résultat et ce que cela implique dans la compréhension de la matière noire au prisme des trous noirs primordiaux. L'idée de base, c'était de se dire, bon, il y a une hypothèse qui dit que la matière noire pourrait être constituée des trous noirs primordiaux, donc ces mini-trous noirs qui se sont formés au début de l'univers. Et l'idée, c'était de voir si on avait une piste pour les détecter dans notre galaxie. Donc si la matière noire est constituée de ces mini-trous noirs, ces mini-trous noirs pourraient s'évaporer grâce à l'évaporation d'Hawking. Et cette évaporation produit des particules élémentaires chargés, des électrons, des anti-électrons, etc. Et il faudrait essayer de les attraper, de les voir dans la galaxie. Et l'expérience Voyager, c'est la seule expérience qui a la possibilité de voir ces particules chargées produites peut-être par ces mini-trous noirs. Alors pourquoi est-ce que c'est la seule qui permet de voir ça? Parce qu'en fait, étant donné les propriétés physiques de ces mini-trous noirs, l'énergie des particules qui sortent, ces électrons et ces anti-électrons, etc., sont très petites, très basses, autour d'un méga-électron-volt, une énergie assez basse en fait. Et ces particules, normalement, ils n'arrivent pas à rentrer dans le système solaire parce qu'ils sont reflétés par le champ magnétique du Soleil. Et par contre, la sonde Voyager est la seule, maintenant il y en a deux, mais la sonde Voyager 1, il y a quelques ans, était la seule et la première qui était sortie du système solaire. Et donc, elle arrive dans un endroit, un milieu, où ces particules sont présentes, elles ne sont pas, disons, réflectées par le Soleil. De quelle nature, finalement, sont les données que vous avez exploitées provenant de Voyager? En fait, Voyager, nous ne sommes pas des expérimentateurs, nous recevons les données de la part de l'équipe expérimentale des Voyageurs. Et donc, la sonde avait à son bord des détecteurs de particules qui ne peuvent pas faire la distinction entre les particules électrons et les anti-électrons, mais en tout cas, elles nous informent sur le flux total d'électrons et anti-électrons, avec un détecteur qui est monté là-haut depuis le lancement, donc 1977. Et les données sont reçues aux États-Unis avec des équipements qui datent encore de l'époque et sont, disons, digérées et mises en forme par l'équipe expérimentale qui nous donne en fait juste des points expérimentaux, nombre d'électrons et anti-électrons en fonction de l'énergie. Et nous, c'est ça qu'on utilise en fait. Alors, quels sont du coup les résultats auxquels vous êtes arrivés grâce à ces données que vous avez récupérées de la sonde Voyager? Alors, en fait, nous, on a trouvé que les trous noirs primordiaux d'une certaine masse, environ 10 puissance 16 grammes, c'est environ la taille d'une montagne à peu près, la masse correspondante à une petite montagne, ne peuvent pas constituer la matière noire dans la galaxie, parce que sinon, on aurait vu beaucoup plus d'électrons et positrons, qui sont les anti-électrons, que ceux que Voyager a détecté et collecté. Donc on n'a pas découvert la matière noire en forme de micro-trous noirs, malheureusement, mais on arrive à imposer des contraintes. On peut se dire que les trous noirs de cette masse spécifique ne peuvent pas constituer la matière noire qu'on connaît, qu'on sait exister dans la galaxie. Alors pourquoi c'est une étude du coup qui est malgré tout très importante pour permettre de faire encore une fois le tri concernant la matière noire? Bah justement parce qu'on arrive, on arrive à poser des contraintes et disons, en science en général, en physique, c'est aussi important de pouvoir écarter des pistes. Disons, on cherche la matière noire depuis presque 90 ans maintenant. On a exploré plusieurs pistes. Il y en a de plus en plus, on n'a pas encore trouvé. Mais déjà, arriver à dire ça ne peut pas être ceci, c'est quand même assez important parce que ça nous permet de nous concentrer sur d'autres pistes et d'autres choses. Est-ce que cette étude nous permet d'en savoir plus sur les trous noirs primordiaux? En fait, ça nous permet d'exclure les trous noirs à l'origine de la matière noire dans cette plage spécifique de masse. Ils peuvent exister avec une masse plus grande, on n'a pas arrivé encore à les contraindre en utilisant Voyager. Plus en général, l'étude nous permet de dire que la sonde Voyager permet d'imposer des contraintes sur l'existence de ces trous noirs, indépendamment du fait qu'ils sont matière noire ou pas, grâce à la mesure d'électrons et positrons dans la galaxie. Et quelle suite vous allez donner du coup à cette étude-là? Comment vous allez poursuivre les travaux de recherche en lien avec les trous noirs primordiaux? Alors maintenant, on est en train de continuer à travailler et justement on se pose la question si ces trous noirs primordiaux avaient une autre caractéristique qui est celle de la rotation. Donc s'ils sont en rotation très rapide, il y a des modèles qui disent qu'ils pourraient être créés avec une rotation très, très poussée. Alors l'étude change un peu, il y a des flux différents qui sont prédits par la théorie et donc il faut recalculer et aller à recomparer avec les données pour trouver des contraintes plus fortes ou plus faibles. Voilà le reportage du jour où comment utiliser les données de la sonde Voyager pour essayer de traquer ces trous noirs primordiaux. Une réaction à ce que vous venez d'entendre, Vincent Vénin? Oui, je crois que ça illustre le grand panel d'expériences et de contraintes différentes qu'on peut utiliser pour étudier la physique des trous noirs. C'est un sujet qui est passionnant dans ce sens, qui touche à beaucoup d'aspects astrophysiques. Là, c'est quand même assez ingénieux d'aller rechercher les données de Voyager qui a été lancé en 77. Donc ça peut être des expériences de détection d'astroparticules comme celle-là. Ça peut être l'étude des ondes gravitationnelles émises par la fusion entre plusieurs trous noirs. Ça peut être l'étude de ce qu'on appelle l'anti-âge gravitationnel, qui est le fait que si des trous noirs primordiaux existent dans l'univers, ils devraient défléchir de façon très faible la lumière qui nous parvient de sources qui sont situées derrière eux, donc par exemple des galaxies, des étoiles. Voilà, donc il y a plein d'observations possibles qui nous permettent d'appréhender ces objets. Sébastien Claes. Alors moi, ce que j'aime particulièrement dans ce reportage, c'est que Marco Cirelli nous propose une approche de la recherche scientifique, et comme votre émission s'appelle La méthode scientifique, je crois que c'est important de le souligner, qui consiste à apporter des contraintes, sur un modèle. Et donc, par exemple, pour les trous noirs primordiaux, on va prendre les différentes masses possibles, on va tester une panoplie d'observations astrophysiques et voir quels effets ces trous noirs primordiaux auraient dû avoir sur ces observations pour apporter des contraintes et essayer de tuer cette hypothèse que la matière noire serait faite de trous noirs primordiaux. Et on y arrive sur une grande partie des plages de masse, alors à l'exception peut-être des masses de l'ordre d'un astéroïde, par exemple. Et je dirais que une autre fenêtre intéressante, c'est celle autour de la masse stellaire, là où j'ai dit tout à l'heure que peut-être on s'attend à avoir un pic dans la production de trous noirs primordiaux. Et où là, les deux approches de la méthode scientifique vont s'affronter. D'une part, essayer d'apporter des contraintes, et d'autre part, essayer de voir aussi dans les observations si l'on aurait pu déjà avoir détecté l'influence de trous noirs primordiaux. Et alors, ça suscite vraiment un grand débat parmi tous les experts, de savoir quelles sont les contraintes qui sont valables, quelles sont les incertitudes sur les contraintes, et on n'est franchement pas tous d'accord par exemple sur les micro-lentilles gravitationnelles. Essayer d'obtenir des contraintes de plus en plus fiables avec des modèles de plus en plus réalistes. Et je dirais que derrière chaque contrainte peut aussi se cacher une indication que ces trous noirs primordiaux sont là. Et donc les micro-lentilles gravitationnelles, par exemple, ce sont les contraintes les plus importantes autour de la masse solaire. Donc, il faut penser, on regarde des étoiles dans une galaxie autour de nous qui est le grand et le petit nuage de Magellan. Et donc, si un trou noir primordial qui est entre nous et cette étoile dans la galaxie satellite à la nôtre, donc si un trou noir primordial passe entre nous et cette étoile, eh bien, les rayons lumineux de l'étoile vont être légèrement déviés et vont induire une petite augmentation de la magnitude de l'étoile qui va être pouvoir détectée, et c'est une petite augmentation, mais pendant plusieurs mois. Et donc, on essaye de contraindre l'abondance de ces trous noirs grâce à cette méthode observationnelle. Et les résultats, c'est qu'en même temps, il semble que pour des modèles les plus simples, on exclut la matière noire faite de trous noirs primordiaux de l'ordre de la masse solaire, mais qu'en même temps, on a des observations de micro-lentilles gravitationnelles qui tentent à suggérer l'existence de trous noirs autour de 2-3 masses solaires qui seraient alors compatibles avec le modèle. Et donc la grande question et le grand débat, c'est de dire à quel point on connaît précisément la physique et l'évolution des trous noirs pour pouvoir apporter soit une contrainte forte ou soit une indication forte sur l'existence de trous noirs primordiaux. Il y a plein de choses intéressantes parce que effectivement des indices on peut en récolter un peu partout par cet effet de micro-lentille gravitationnelle. Alors est-ce qu'en même temps, juste un mot rapidement là-dessus, Vincent Lénin, c'est des effets qu'on imagine très légers puisqu'on est quand même sur des objets très denses mais très petits. Est-ce que on a aujourd'hui les moyens technologiques de détecter, d'identifier ces effets de micro-lentille gravitationnelle pour dire ah oui mais là ça ne peut pas être un autre objet que ce trou noir primordial? Alors oui, c'est une question qui est délicate parce que en fait, les trous noirs, par définition, ils sont noirs, donc ils émettent rien, à part le rayonnement de Hawking, mais ça c'est pour des trous noirs qui ont une masse très spécifique, ceux dont on parlait dans le reportage, ceux qui s'évaporent aujourd'hui, mais les autres n'émettent rien du tout. Donc la seule façon dont ils nous indiquent leur présence, c'est par l'effet de la gravité. Soit parce qu'ils perturbent gravitationnellement les objets qui sont autour d'eux, soit parce qu'ils réalisent ces lentilles gravitationnelles. Mais comme c'est des observations ou des indications indirectes de leur existence, on voit indirectement les effets sur la gravité des trous noirs, on voit pas les trous noirs eux directement, c'est sujet à tout un tas de ce qu'on appelle des incertitudes astrophysiques, c'est-à-dire c'est les incertitudes qui sont liées à notre compréhension des objets sur lesquels ils agissent. Donc, est-ce qu'on a vraiment bien compris le milieu, la population d'étoiles sur lequel l'antillage s'effectue? Est-ce qu'on a vraiment bien compris la façon dont ces trous noirs sont censés se disperser dans l'espace, dont ils sont censés se mouvoir, etc. Donc, forcément, c'est toujours lié à des discussions. C'est pour ça que ces contraintes sont à prendre avec précaution. Elles sont dérivées à l'intérieur de modèles très précis, donc en faisant des hypothèses parfois fortes sur à la fois les propriétés des trous noirs, leur distribution de masse notamment, mais aussi sur l'environnement astrophysique. Et donc, c'est des indications intéressantes, mais ce n'est pas encore des preuves qui viendraient exclure complètement la possibilité des trous noirs primordiaux. Je crois qu'il y a tout un pan d'indices que l'on peut aller chercher du côté des galaxies naines. Est-ce que vous pouvez m'expliquer en quelques mots pourquoi et qu'est-ce qu'elles ont, ces galaxies naines? Ou il y a beaucoup plus, Sébastien Claes, c'est votre truc, les galaxies naines? Alors oui, donc... Les galaxies naines ont ceci de particulier que ce sont les objets les plus denses en matière noire autour de nous. Et donc dans ces galaxies naines, en particulier les galaxies naines faiblement lumineuses, on a plusieurs centaines de fois plus de matière noire que de matière ordinaire. Et donc, si la matière noire était faite de trous noirs primordiaux de l'ordre de la masse solaire, par exemple, pour une étoile, on aurait en fait 100 trous noirs primordiaux autour d'eux. Et ces galaxies naines, en particulier la taille de ces galaxies naines, a justement été utilisée pour mettre une contrainte sur l'abondance de trous noirs primordiaux. Et on peut facilement le comprendre, lorsque dans cette galaxie naine, deux trous noirs se croisent, ils vont avoir tendance à échanger de l'énergie cinétique, comme on dit, et ça va avoir tendance à provoquer un agrandissement de cette galaxie naine. Donc cette galaxie naine devient de plus en plus grande, est instable. Et donc en regardant quelle est la taille de ces galaxies naines, On peut s'en servir pour dire « Ah, mais la matière noire ne peut pas être composée de plus de tel pourcent de matière noire. » Et en même temps, c'est une belle illustration aussi de comment une contrainte peut devenir une signature possible de trous noirs primordiaux. Parce que justement, en regardant cette taille typique de galaxies naines, on voit que des galaxies naines en dessous de 20 parsecs, donc 20 parsecs, ça correspond à peu près à 60 années-lumière, et une année-lumière, c'est à peu près 10 000 milliards de kilomètres, eh bien, ces galaxies naines n'existent pas. On n'en a pas détecté, alors qu'on a les capacités observationnelles de pouvoir les détecter. Et donc, peut-être, c'est une indication que la matière noire dans ces galaxies naines est composée d'objets compacts, comme des trous noirs primordiaux. Je vais me retourner vers les jeunes camarades du club de cosmologie du Soleil Lille-Grand. Est-ce que vous avez des questions sur ces trous noirs primordiaux? Jeune homme, bonjour. Bonjour. Votre prénom, c'est Alexandre. Bonsoir, Alexandre. Donc, j'avais une question par rapport à ce que vous aviez dit tout à l'heure sur la taille des résidus des trous noirs après l'évaporation de Hawking. Et je me demandais, du coup, vous disiez qu'on supposait que l'évaporation pouvait s'arrêter avant d'arriver à la longueur de Planck. Mais la question est, pourquoi ? Est-ce que ce serait physiquement possible qu'un objet s'arrête en se disant, ça y est, j'ai atteint une longueur qui est la plus petite mesurable dans l'univers ? Ne pourrait-on pas imaginer qu'il continue de s'évaporer pour atteindre des tailles encore plus petites et du coup qu'il changera de nature ? Qui veut répondre à ça ? Vincent même ? Oui, pardon. Alors oui, tout est possible. Il n'y a pas d'inquiétude là-dessus. Dans la mesure où on n'a pas de théorie cohérente de la gravité quantique, on peut à peu près tout imaginer. Mais l'idée, c'est qu'il se passe quand même quelque chose à l'échelle de Planck. Ça, c'est à peu près, c'est naturel comme hypothèse, parce qu'on sait qu'à ce moment, en tout cas, ce qu'on sait, c'est qu'à ce moment-là, les théories, la relativité générale, la mécanique quantique telle qu'on les connaît, ne vont plus s'appliquer. Donc les calculs qui permettent de prédire qu'un trou noir s'évapore, eux, ne s'appliquent plus. Et en général, quand on essaye de modifier un peu à la main, en rajoutant des termes dans les équations, ce qui pourrait se passer quand on atteint l'échelle de Planck, on obtient dans une grande classe de théories le fait que l'évaporation s'arrête. Et donc, en extrapolant un peu, on imagine que le trou noir arrête de s'évaporer, reste tel qu'il est, et on appelle ça une relique. Mais vous avez raison de pointer du doigt qu'en fait, on n'en sait rien. Il pourrait très bien se produire que oui, l'évaporation s'arrête ou diminue, mais qu'un autre phénomène qu'on ne connaît pas démarre et amène le trou noir dans un état qui est encore bien différent de celui d'une relique planckienne. Donc c'est les reliques planckiennes, ça reste quelque chose de très spéculatif. Mais j'ai une question qui est, j'évoquais ça au tout début de l'émission. C'est vrai qu'il y a une proposition, une hypothèse qui a été émise en disant, ça fait longtemps qu'on sait qu'il y a des objets transneptuniens qui ont un comportement bizarre, et donc on suppose l'existence d'une neuvième planète, puisque Pluton a été déclassifié en planète naine, d'une neuvième planète qui serait bien plus loin que Neptune, hein, à 20 ou 30 unités astronomiques de Neptune, et qui perturberait justement l'orbite de ces objets transneptuniens. Hypothèse, cette neuvième planète qu'on ne voit pas pourrait être un trou noir primordial. Aujourd'hui, quel est votre sentiment l'un et l'autre sur cette étude? Sébastien Claes. Alors, quand on part de l'idée que peut-être la matière noire est faite de trous noirs primordiaux, peut-être justement autour de la masse solaire, par exemple, eh bien, alors on peut se dire, oui, mais alors, ma distribution de masse de trous noirs primordiaux peut descendre bien en deçà de ceci. Et par exemple, il y a aussi même quelques observations qui suggèrent peut-être l'existence de 1% de matière noire faite de trous noirs qui ont une masse comparable à celle d'une planète. Et alors on peut prendre leur abondance et on peut regarder si dans la galaxie, il est possible que notre système solaire croise de temps en temps un de ces trous noirs et éventuellement le capture. Et donc, c'est, je pense, le calcul qui a été fait dans cet article, ils ont essayé de voir s'il est probable qu'avec cette abondance de matière noire, le système solaire puisse avoir croisé le chemin d'un de ces trous noirs de la taille d'une planète et les capturer. Alors, évidemment, le problème, c'est les incertitudes sur le calcul. Parce que, déjà, on ne sait pas exactement quelle serait l'abondance de ces trous noirs primordiaux à ces masses-là. D'autre part, on ne sait pas quelle vitesse ils auraient, si c'est facile de les capturer, si, par exemple, leur orbite aurait été stable ou si leur orbite aurait été instable. Et donc, je dirais que c'est une hypothèse possible, et en même temps, c'est encore spéculatif parce que c'est très délicat de dire avec certitude « Ah oui, dans ce tel modèle, c'est en effet le cas, notre système solaire a capturé un trou noir ». Par contre, imaginons que ce soit le cas, ce serait fantastique. Parce que alors là, on aurait la possibilité d'aller presque étudier voir un trou noir primordial, d'envoyer une sonde et d'aller étudier un trou noir à de proximité. Interstellaire. Donc, certes, c'est spéculatif, mais en même temps, c'est important que ce soit dit parce que si vraiment c'était le cas, alors là, ce serait quand même formidable. On reprend une autre question du club de cosmologie de Louis le Grand. Mademoiselle, bonsoir. Bonsoir. Arsinoé. Oui. J'avais une question par rapport à l'interaction de ces trous noirs primordiaux. Est-ce que du fait qu'ils ont été tous créés dans l'univers primordial, est-ce qu'ils ont une interaction particulière entre eux? Est-ce qu'ils forment une sorte de réseau parce qu'ils ont ils sont disposés de façon homogène dans l'univers, ce que vous l'avez dit. Mais est-ce qu'ils ont une interaction justement? Oui, alors c'est une très bonne question et en plus c'est une question qui est au cœur de travaux de recherche vraiment très actuels, donc c'est un vrai sujet. Donc oui, ils sont répartis dans l'espace de façon homogène en moyenne, mais il y a des fluctuations, donc ça veut dire qu'il peut se produire que deux trous noirs soient un peu plus proches à certains endroits, un peu plus éloignés à d'autres, et donc ils vont interagir. Alors ils interagissent uniquement par la force gravitationnelle, puisque, encore une fois, ils ne font rien d'autre que d'avoir une masse et déformer l'espace-temps. Mais dans l'univers primordial, ces trous noirs, ils peuvent typiquement fusionner. Donc quand deux trous noirs fusionnent, ils forment un trou noir de masse plus importante, bien sûr, mais une partie de la masse est éjectée sous forme d'ondes gravitationnelles. Et en fait, il est possible que, s'il y a une population importante de trous noirs primordiaux, ces fusions de trous noirs aient donné lieu à plein d'ondes gravitationnelles qui se sont surajoutées les unes aux autres et qui forment ce qu'on appelle un fond diffus d'ondes gravitationnelles. Donc l'univers serait rempli comme ça d'un bain d'ondes gravitationnelles. Et peut-être un jour, on pourra le détecter, ce bain d'ondes gravitationnelles. Donc il y a des expériences qui sont en train d'être réfléchies et construites pour aller chercher ces fonds diffus d'ondes gravitationnelles qui pourraient révéler l'existence de trous noirs primordiaux. Encore une dernière question rapidement. Quelqu'un derrière, jeune homme, allez-y. Hop. Bonsoir, vous êtes... Bonsoir, je m'appelle Nathan. Salut Nathan. Tout à l'heure, vous avez parlé donc, des galaxies naines faiblement lumineuses. Vous avez dit qu'il y a plusieurs centaines de fois plus de matière noire donc, dans ces galaxies, mais comment on fait pour savoir qu'il y a plusieurs centaines de fois plus de matière noire dans ces galaxies plutôt que dans les autres qu'on pourrait appeler normales? Sébastien Claes. Alors on le fait de la même manière que l'on calcule la quantité de matière noire dans notre galaxie à nous et dans le halo de notre galaxie, c'est-à-dire en regardant les vitesses des étoiles à l'intérieur de cette galaxie. Et donc s'il y a plus de matière noire, on va avoir des vitesses d'étoiles qui sont plus importantes et ça c'est le signe de la présence de matière noire. Et donc comme ça, on peut reconstruire la quantité de matière noire dans ces galaxies. Allez, une dernière question rapidement. Bonjour. Bonsoir. Votre prénom, c'est Alice. Alice, bonsoir Alice. Je voudrais savoir si le volume du trou noir est défini ou s'il change en fonction de la masse. Alors, il change en fonction de la masse. Il est directement lié à la masse. Il est tout petit. Il est vraiment des ordres. Enfin, il est vraiment minuscule. Donc, un trou noir, ça prend des masses et ça les met dans des volumes très très petits. Mais le rayon du trou noir est directement lié à sa masse. Une dernière question très rapidement, Vincent Vénin, puisqu'on cherche évidemment des traces observationnelles, quelle est la voie d'observation qui serait a priori la plus proche pour avoir un indice, même indirect, de l'existence de ces trous noirs primordiaux? Donc, je pense qu'il y a deux choses qui seraient à court ou moyen terme des indications très fortes. Il y a l'observation d'un trou noir de masse plus petite que cette fameuse 1,4 fois la masse du Soleil, là ce serait une indication directe. Et puis il y a d'autres pistes qui sont liées au spin des trous noirs. Donc en deux mots, un trou noir est caractérisé par deux choses, sa masse et sa vitesse de rotation sur lui-même. Et les trous noirs dits astrophysiques, on s'attend à ce qu'ils aient une vitesse de rotation sur eux-mêmes plus importante que ceux des trous noirs primordiaux. On a du mal à mesurer les spins aujourd'hui, mais par les détections d'ondes gravitationnelles, il est possible qu'on y arrive dans un avenir proche. Et si on a une indication que les spins sont typiquement très petits, ça pourrait pointer du doigt vers les trous noirs primordiaux. Merci beaucoup à tous les deux. Merci Vincent Vénin, merci Sébastien Claes, merci au club de cosmologie du lycée Louis le Grand d'être venu ici assister à l'émission. Merci à toute l'équipe de la méthode scientifique. C'était Élise Lé aujourd'hui à la technique. Demain, que se passe-t-il lorsqu'Internet se referme aux frontières d'un seul pays? C'est ce que va tenter de faire la Russie en créant une sorte d'intranet à l'échelle du pays. L'Internet nationalisé, on en parle demain à 16h jusqu'à preuve du contraire.